Mathieu Fernandez, dans ce registre-là, va vous proposer de présenter ses travaux sur, donc sur les topographies et la façon dont, avec ses outils, il exploite les données archivistiques. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, en fait, je vais vous présenter un travail que j'ai pu réaliser dans le cadre de ma thèse que je réalise au laboratoire HTTP, dont Michel a parlé tout à l'heure, donc laboratoire d'histoire technique du CNAM. Et donc, je vais vous présenter un exemple d'utilisation des SIG. Alors, SIG, c'est système d'information géographique, donc certains doivent connaître. Et donc, l'application de ce type d'outil pour l'étude historique, et ici particulièrement l'histoire environnementale. Voilà. Donc, mon exemple, l'exemple que j'ai choisi, donc que je vais vous présenter, ce sera la topographie parisienne. Alors, la topographie au sens de son relief, c'est-à-dire la première carte du relief de Paris du début du 19e siècle. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette communication MSR urbaine. Voilà. Alors, d'abord, je vais commencer par vous présenter l'état de la recherche un peu et du type d'outils que sont les SIG, car tout le monde n'en a pas pratiqué. Donc voilà, c'est un état de, c'est un champ de recherche qui est plutôt récent, de même que les logiciels de SIG. Donc voilà, je vais pouvoir vous présenter et le principe et l'état des lieux actuels. Donc ensuite, on va passer à un exemple beaucoup plus concret, donc issu de mon travail, qui sera l'exploitation géomatique. Donc géomatique, c'est par rapport à SIG, de ce plan de nivellement de Paris de 1810, donc qui est une donnée d'archives, donc qui est le premier atlas de type ligne de niveau à Paris. Et donc le travail que j'ai pu réaliser dessus, donc sur le logiciel ArcGIS, qui est un logiciel de SIG, et les résultats que j'ai pu obtenir. Voilà. Et enfin, donc à partir de ces exemples, on pourra prolonger sur la méthodologie, la réflexion un peu disciplinaire qui doit être discutée, disons, entre une science plutôt informatique que sont les systèmes d'information géographique et l'étude historique. Voilà. Donc beaucoup de questions se posent et on pourra mieux les aborder à travers l'exemple que j'aurais décrit précédemment. Voilà. Donc avant d'aborder l'étude pratique, je vais vous présenter le principe du système d'information géographique, donc je dirais la SIG 2020. Donc en fait, il s'agit d'une interface cartographie et base de données. Donc concrètement, c'est-à-dire qu'on a des bases de données donc, plutôt classiques, mais on va pouvoir associer à ces bases de données donc, à de la donnée, donc là dans ma communication, ce sera de la donnée historique, une visualisation spatiale. Voilà. Donc la visualisation spatiale, elle sera dans un espace donné, donc ici Paris. Voilà. Donc là, je vais vous présenter rapidement le type d'entité qu'on peut saisir et disons voilà le principe de cette interface base de données cartographie. Donc voilà. Donc ici, dans cet exemple, j'ai pris des exemples volontairement portés sur des données historiques. Donc ici, par exemple, je saisis des points donc qui correspondent, par exemple, à des adresses de type archive. Donc ici, j'ai des adresses parisiennes en 1810 que je vais pouvoir replacer sur l'espace parisien de l'époque. Donc là, on voit là, c'est les 48 quartiers de Paris. Et donc, on va avoir d'une part, vous voyez, donc d'une part la base de données sur la gauche et sur la droite la partie cartographie et visualisation. Donc un autre type d'entité qu'on peut saisir dans ces logiciels-là, ce sont les lignes. Voilà. Donc les lignes, typiquement en histoire urbaine, en tout cas, ça sera on peut saisir des rues par exemple. Donc ici dans cet exemple, on a sur la gauche la base de données des rues du plan Vassereau. Donc le plan Vassereau, c'est le premier plan premier cadastre de Paris donc entre 1810 et 1830. Et donc ici on a la base de données de toutes les rues de Paris de l'époque et sur la droite donc la rue que j'ai saisie donc ici c'est l'avenue Marigny. Voilà. Donc j'ai zoomé donc on peut zoomer dézoomer sur l'ensemble de l'espace parisien ou sur notre objet. Voilà, un dernier type d'objet qu'on peut saisir, ça sera des surfaces. Donc là, typiquement des surfaces, dans mon exemple, ça sera un quartier de Paris de l'époque. Donc Paris compte 48 quartiers, donc on voit, on a la base de données sur la gauche des 48 quartiers parisiens, sur la droite, la visualisation de ces quartiers-là. Voilà, donc là c'était pour le principe, voilà, pour présenter le SIG dans son, voilà, dans son grand principe. Voilà, donc maintenant pour donc tout sort qui est SIG, donc ils ont, enfin, c'est un objet qui a commencé à être pensé dans des fins militaires dans les années 60. Puis a été donc c'est au Canada, aux États-Unis, donc ça a été développé après par des laboratoires publics de recherche, donc dans ces deux pays, et donc ça a été développé de façon assez continue, et en fait ça a donné des logiciels qui sont exploitables sur des ordinateurs classiques de bureau, seulement dans les années 90. Donc c'est juste pour dire que c'est forcément un domaine plutôt récent. Voilà. Voilà. Donc actuellement, il y a deux grands logiciels, et puis il y a surtout des logiciels libres qui arrivent. Donc c'est également un secteur qui change. Voilà. Donc là, c'est un travail sur un type de logiciel, mais bon, voilà, donc il y a également plusieurs logiciels. Voilà. Donc après, maintenant, vu que je vais vous présenter l'usage pour un travail historique de ces logiciels-là. Le développement de cet emploi, l'emploi de cet outil dans le cadre historique, il a commencé au milieu des années 90 à peu près. Et il a fait débat, et il le fait toujours dans une certaine mesure. Donc c'est-à-dire que d'une part on va avoir des tenants d'un vrai renouvellement de l'histoire et de sa pratique et de l'exploitation des sources par leur spécialisation et la diversité des sources qu'on peut mettre sur un même espace. Voilà, donc ça c'est donc on peut voir ce côté-là, et d'autre part on peut également voir que c'est une révolution qui n'en est pas une, dans le sens où l'étude historique n'est pas, enfin l'étude historique et de l'archive n'est pas révolutionnée par ces choses-là. Donc voilà, on a vraiment un débat entre chercheurs sur l'usage de ces logiciels pour l'étude historique. Voilà. Donc là, rapidement, c'est une base de données un peu plus ou moins, mais voilà. Donc rapidement, pour résumer, donc ces travers inconvénients, on va utiliser les lectures de deux chercheurs. Donc premièrement, John Pickles de l'Université de Caroline du Nord. Donc lui voit trois grandes limitations à l'usage des SIG dans le cadre historique. Donc d'une part, en fait, les sources historiques sont toujours incomplètes, ambiguës, inexactes, donc par essence. Et donc le SIG a du mal, vu qu'il est quand même développé pour des sciences exactes à l'origine, à percevoir et à représenter toute cette inexactitude. Ensuite, d'autre part, enfin, on peut voir que dans l'étude historique, la donnée temporelle est bien sûr importante. Et le SIG également n'est pas prévu pour explicitement utiliser cette donnée temporelle. Voilà, donc, bon, bien sûr, on peut quand même travailler dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas le fondement de ce type de logiciel. Et enfin, pour le type de données qu'on saisit, il saisit beaucoup mieux la donnée quantitative que qualitative. Donc là, on voit, c'est juste une base de données, donc toujours mes 48 quartiers de Paris, on voit bien que j'ai saisi de la donnée très quantitative. Donc typiquement, là où c'est peut-être un peu petit, mais en gros, on a le numéro des quartiers, leur nom, l'évolution du nom, parce que les quartiers ont changé de nom au cours du 19e siècle, par exemple leur population, à des dates différentes, mais tout ça, c'est la donnée très quantitative, donc forcément... bien sûr, on oublie les aspects fondamentaux de toute étude historique. Voilà. D'autre part, un autre chercheur, Ian Gregory, qui a écrit plusieurs ouvrages de référence sur le SIG et l'histoire, nous donne trois grands intérêts donc pour nos études. Donc, d'une part, on va avoir une organisation accrue de la donnée historique, parce que voilà, on travaille sur des bases de données qui sont par définition là pour organiser nos données. Donc ça vaut aussi pour la donnée historique et pour l'aspect spatial également. D'autre part, on a une possibilité de visualiser nos sources, ce qui est quand même un grand développement, disons, pour certaines sources du moins, dont mon exemple va parler. Donc cet aspect visuel et de de travail, disons, sur un espace donné de type cartographique, c'est très important, et notamment en histoire environnementale. Et enfin, on peut, là c'est l'aspect informatique qui rentre en jeu, une fois qu'on a cette visualisation, on a tout un tas d'outils qui permettent de faire des analyses spatiales sur nos données, sur nos, et sur le travail qu'on a pu réaliser. Donc des analyses, j'aurai l'occasion de vous en montrer quelques-unes. Voilà. Et donc là, je vais vous montrer rapidement, juste pour montrer que c'est quand même un domaine qui est en développement, plusieurs exemples de SIG historiques qui sont en cours de élaboration ou en ligne sur le net. Voilà. Alors premièrement, ici on va avoir le programme Alpage en fait. Donc ça c'est un programme qui a été développé par le laboratoire de médiévistique de la Sorbonne. Donc c'est un projet qui est en cours depuis 2006. Et donc là ce sont des médiévistes qui en fait retrouvent un espace beaucoup plus proche de celui qui était le Moyen-Âge à Paris grâce au plan Vassereau dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc le plan Vassereau qui est entre 1810 et 1830, donc avant tous les chamboulements urbains qu'a connu Paris. Et donc on va avoir donc un développement le référencement de toutes les planches de ce cadastre pour donner un espace cohérent parisien qui se rapproche plus de la structure médiévale. Voilà. Ensuite, ici, on va voir un SIG, un des membres de l'équipe de recherche, c'est Ayane Grégory, dont j'ai parlé à l'instant. Donc ça, c'est un SIG sur la vision spatiale et historique de la Grande-Bretagne. Voilà, très riche et donc en cours de développement également, donc à l'échelle d'un pays. Ici, un autre exemple, ce sera un SIG par exemple porté par la région Aquitaine pour le recensement des données archéologiques et leur diffusion. Donc ça, c'est des copies que j'ai fait sur des copies écran sur Internet. Donc c'est pour montrer quand même qu'il y a dans plusieurs domaines et il y a un développement des SIG. Voilà, et enfin ici, on va voir le SIG également de l'EHESS, du laboratoire de démographie et d'histoire sociale. Donc également pour mener des études sur l'espace parisien et l'aspect social et historique de l'espace parisien, donc 18e et 19e siècle en grande partie. Voilà. Alors maintenant pour aborder l'histoire environnementale, je vais vous donner juste une définition citée par Hélène Noiset. Donc Hélène Noiset qui porte le projet Alpage dont je viens de parler. Cette définition, c'est que le SIG vise à rassembler des données diverses, mais localisées dans le même espace géographique, relatives à la fois à la Terre et à l'homme, à leur interaction et leurs évolutions respectives. Donc voilà, donc on voit bien dans cette définition toute l'utilisation potentielle dans le cadre et de l'histoire et de l'histoire environnementale des SIG. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à mon exemple, travail réalisé sur un plan parisien du début du 19e siècle. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au support urbain, son sol et sa dimension de rejet et de puisement pour la ville. Donc ce sol et donc ce relief qui lui est inhérent est par définition très évolutif, et donc je voulais percevoir justement l'évolution qu'il y a pu y avoir au niveau du relief parisien à l'époque contemporaine. Donc il existe une archive extrêmement précieuse à Paris à ce niveau-là. Donc c'est le plan de Pierre-Simon Girard en 1810, qui a été assez récemment remis à jour via la bibliothèque historique de la ville. Le plan ressemble à ça. En fait, la technique de Girard, c'est de tracer donc à la main sur le plan verniqué de 1788. Qui s'est procuré, donc qui était un plan de référence à l'époque, les lignes de niveau de Paris. Donc c'est des lignes de niveau, donc je vais vous en parler un tout petit peu mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il met un point donc, sur le filaire des rues à chaque augmentation de l'altitude d'un mètre. Ensuite, il relie les points de même altitude entre eux et on obtient des lignes de niveau brisées. Voilà. Mais disons que voilà, donc Girard est très en avance sur son temps parce que les lignes de niveau deviennent une habitude cartographique pas avant le 19e siècle. enfin la mi-19e siècle. Et donc, voilà. Et ensuite, une autre question donc, qui est, où Girard fait également preuve d'innovation, c'est la question du niveau, donc, qui n'a pas été réglé en France avant 1860, et le choix du baromètre de Marseille. Donc en fait, donc, on est bien avant ici, et le choix qu'il fait, c'est le bassin de la Villette qui vient d'être achevé en 1808. Donc ce plan de la Villette servira de référence à toutes les côtes qu'il va établir sur l'espace parisien pour en saisir le relief. Voilà. Donc plus précisément, en fait, il fixe un plan imaginaire 50 mètres au-dessus de ce plan d'eau, et chaque point donc, d'altitude qui relève est par rapport à ce plan d'eau. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer le traitement que j'ai pu opérer sur ce plan qui est donc un atlas par le logiciel par les SIG. Voilà. Donc, alors je vous présenter rapidement les étapes de construction. Alors d'abord, il faut photographier ou scanner le support. Donc ensuite, pour récupérer les défauts donc, de ce scan et du plan initial qui est un plan papier donc déformé, il faut refaire des carrés avec des logiciels informatiques de traitement de photo. Donc ça, c'est une opération terminée sur un carré. Ensuite, on peut faire cette opération sur plusieurs carrés donc, et ensuite les réagencer donc, pour recréer l'espace parisien. Donc là, j'ai pris un exemple volontairement réduit pour qu'on voit un peu mieux les formes qu'on obtient. Donc ici, par exemple, on est au niveau du Conservatoire des Arts et Métiers, c'est ce qu'on voit au milieu, donc représenté en 1788. À droite, l'autre grand bâtiment, c'est le temple, en fait. Voilà. Donc le temple pré-révolutionnaire. Et on voit bien donc, les lignes de niveau tracées par Girard à la main donc sur ce plan. Donc ensuite voilà, donc là on était plutôt dans le traitement de l'archive. Donc maintenant on va arriver dans la dimension plus SIG. Donc ce plan, une fois qu'on l'a parfaitement reconstitué, il faut le géoréférencer, ça s'appelle comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il faut associer au plan historique, au point historique des points actuels. Donc on prend un plan de référence, donc moi j'ai pris le plan de l'atelier parisien d'urbanisme. Et par exemple ici, j'ai associé 5 points d'époque sur des points actuels. Donc, par exemple, j'ai pu prendre la pointe du réfectoire de l'abbaye Saint-Martin-des-Champs, donc le CNAM, que j'ai pu associer au plan actuel car il existe toujours. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est le géoréférencement du plan, donc qui va dorénavant être un espace à la bonne échelle et superposable au plan actuel, aux ressources actuelles cartographiques. Voilà. Donc ça, c'est, on peut calculer également l'erreur qu'on fait. Donc là, c'est une erreur faible, donc c'est intéressant. Voilà, donc maintenant j'ai géoréférencé mon plan de Girard sur tout l'espace parisien. Je vais pouvoir vectoriser les lignes de niveau qu'il a tracées à l'époque. Donc là, on rentre dans le logiciel SIG, donc je vectoriser, ça veut dire que je donne une valeur informatique aux lignes de Girard en repassant par des lignes. Donc ici, c'est une ligne de niveau vectorisée. Voilà, donc sur la rive droite de Paris. Voilà, on reconnaît un peu la. Enfin, donc une fois qu'on a on fait ça pour toutes les lignes de niveau, et une fois qu'on a vectorisé toutes ces lignes de niveau, on obtient la carte de Paris informatique hein, du relief de 1810 que nous a légué Girard. Ça c'est l'ensemble des lignes de niveau. Et maintenant une autre opération qu'on peut réaliser parce qu'elle est assez récente sur les SIG. C'est pour transformer le système de Girard, qui n'est pas le système actuel, en système actuel, voilà, par la cote du bassin de la Villette. Et donc là, maintenant, on crée un team, on appelle ça un SIG, donc c'est-à-dire qu'on fait une nappe au-dessus de toutes ces lignes de niveau auxquelles on a pu affecter les hauteurs actuelles, en fait, en utilisant le système de Girard, en le transformant en système actuel. Donc on obtient le relief d'époque de Paris. Grâce aux applications SIG qui sont donc plutôt récentes, en tout cas pour la version 3D. Voilà. Et donc là, sur cette vision-là, j'ai pu également, là c'est là qu'on peut voir aussi l'intérêt de ces logiciels-là, j'ai pu superposer les rues de Paris de l'Atlas Vassero que m'a donné le programme Alpage en fait. Donc le programme Alpage a mis en ligne ces lignes en données libres sur Internet. Et donc j'ai juste eu à les télécharger et à les mettre sur mon plan, et donc elles apparaissent sur mon drap du relief. Voilà. Donc là, c'est pour montrer aussi l'aspect intéressant du partage de données donc des SIG. Donc, c'est-à-dire que j'ai bien sûr pas eu à retracer toutes les rues. Voilà. Donc là, c'est une vue de profil. Donc en fait, là, le relief, je l'ai accentué pour qu'on y voit mieux. Je l'ai multiplié par 15. Le relief accentué de Gérard avec les rues. Voilà. Donc maintenant, ça c'est un travail qui est quand même assez informatique, en tout cas, d'exploitation d'archives. Donc là, je vais maintenant pouvoir exploiter un peu ce travail par une corrélation à plusieurs textes. Voilà. D'abord, la date de ce travail de Gérard est intéressante parce que c'est 1810, donc c'est la ville pré-haussmannienne, donc dans le cas de Paris, donc avant tous les chamboulements qu'a connu le 19e siècle. Et donc, il est intéressant d'étudier donc ce relief pré-haussmannien qui a évolué, on va le voir. Donc là, Gérard fait précéder son atlas d'un mémoire sur le relief parisien, car lui-même s'y intéresse beaucoup et il voit de grands apports historiques par l'étude de ce relief. Voilà. Donc je vais vous lire un petit passage de ce mémoire qui montre un peu ce qu'on peut tirer de l'étude du relief d'une ville. Donc, lorsque toutes les rues de Paris eurent été pavées et qu'on eut réglé les pentes, les mesures de police qui s'établirent pour la conservation de ce nouvel état de choses prescrivirent aussi de transporter sur des emplacements que l'on indiqua les décombres et autres matières qui provenaient de la démolition des édifices ou du nettoiement des rues. Ainsi se formèrent plusieurs éminences que l'on retrouve dans l'intérieur de Paris. Les plus rapprochées du centre sont évidemment les plus anciennes. Entre celles-ci, il faut compter le mamelon appelé le Terrain, qui est situé sur la pointe orientale de l'île de la Cité, entre l'église Notre-Dame et le monceau Saint-Gervais, que l'on retrouve entre l'hôtel de ville et la place Vaudoyer. Bon, pour le connaisseur de Paris, c'est forcément plus parlant. Je vais le montrer mieux après. Ces deux éminences, placées en dedans de l'enceinte de Philippe Auguste, existaient, ainsi que l'histoire l'atteste, antérieurement au règne de ce prince. Les voiries furent à l'époque rapportées hors des portes de la ville. Voilà. Donc c'est qu'en fait, toutes les petites proéminences qu'on aperçoit, que Girard décèle à l'intérieur de Paris, sont des traces humaines, en fait, qui sont issues du déblaiement des rues et jetées par-dessus les remparts, au fur et à mesure que les remparts de Paris se sont agrandis. Voilà. Bon, par exemple, là, je fais un zoom sur la partie centrale, donc on reconnaît l'île de la Cité et l'île Saint-Louis en bas. Et donc là, on a les deux mamelons dont nous parle Gérard. Donc on va voir celui qui est à hauteur de la tour Saint-Jacques de la Boucherie, sur la gauche. Donc j'espère que vous voyez. Et le morceau de la place Baudoyer sur la droite. Donc ça, ce serait des décombres issus de temps très anciens, parce que c'était a priori l'enceinte mérovingienne qui s'y plaît là. Gérard réalise un mémoire sur cette section-là. Donc juste pour faire un parallèle maintenant, on va regarder les mémoires d'Haussmann. Donc il lui a rasé ses deux mamelons, en fait, en perçant la rue de Rivoli. Donc, les mémoires d'Haussmann. Quand on ouvrit le prolongement de la rue de Rivoli, du passage de l'Orme à la place de l'Hôtel de Ville, on rencontra dans la dernière portion l'obstacle de la butte Saint-Jacques de la Boucherie, dont on ne pouvait avoir raison qu'au prix de travaux imprévus entraînant des conséquences très onéreuses. Et pour cela, déniveler tout un quartier, celui des Arcisses, rendu très populeux, très marchand par le voisinage des Halles. Donc voilà, donc là on a la trace de la destruction de ces deux mamelons qui avaient été identifiés par Girard quelques années avant. Voilà. Et on peut noter aussi qu'Haussmann ignore les travaux de son aîné. Voilà. Donc là, un dernier exemple donc sur ces buttes et l'usage qu'on peut faire de ce relief, c'est la butte des Moulins, qui elle se situe donc à hauteur à peu près de l'arrêt de métro Pierre-Mille actuellement. Et donc elle existait donc à l'époque de Girard, on la voit très bien ici. Et en fait, elle, c'est une voirie de l'époque du rempart de Charles V. Donc une très haute voirie. Et donc elle a été supprimée lors du percement de l'avenue de l'Opéra dans les années 1870. Voilà. Je m'en suis pris du temps. Ah, on a un peu plus de liberté. D'accord. Ouais. Voilà, donc du coup, je vous lis rapidement l'extrait du mémoire de Girard qui parle de ces voiries autour de l'enceinte de Charles V. Donc cette nouvelle fortification, exécutée sous les règnes de Charles V et Charles VI, avait, comme on voit, un développement beaucoup plus considérable que l'enceinte de Philippe Auguste. Cependant, le nombre de ces portes fut réduit à 6. La porte Saint-Antoine, celle du Temple, Saint-Martin, Saint-Denis, Montmartre et Saint-Honoré. Toutes les décombres qui provenaient du nettoiement ou des démolitions journalières étaient transportées hors de la ville, par ces portes, et déposées à proximité de chacune d'elles. Enfin, donc il parle de chacune de ces buttes, donc là il parle de but des moulins ici. Enfin, la cinquième, entre les portes Montmartre et Saint-Honoré, a été appelée depuis la butte Saint-Roch ou des moulins. Cette butte et toutes celles dont nous venons de parler étaient en effet devenues si hautes par l'accumulation des décombres dont elles étaient formées, qu'elles furent couvertes de moulins avant, dans le XVe siècle. Voilà. Donc on voit que c'est quand même ce sont des buttes faites de main d'œuvre et assez hautes pour qu'on y mette des moulins au sommet. Voilà. Voilà. Et donc ici, toujours pour faire le parallèle entre l'époque de Girard et le reste du XIXe siècle, on a une photo du percement de l'avenue de l'Opéra où on voit très bien la butte des moulins qui est en train d'être rasée en fait. Donc cette butte des moulins était donc à l'époque du XIXe siècle construite, elle avait un quartier très dense et très populeux et très insalubre. Et donc tout ce quartier a été rasé. Donc là on a une photographie de la disparition de cette butte, donc qui existait au début du siècle. Voilà. Donc donc là je vous ai présenté un peu l'usage donc qu'on peut faire entre et le parallèle qu'on peut faire entre une étude très très informatique donc de type ACG et toute cette histoire du relief parisien est donc très liée qui est une histoire environnementale et très liée disons avec l'activité anthropique et ses des accumulations et destructions. Voilà. Donc là très rapidement je vais continuer sur l'usage des SIG qu'on peut faire dans l'analyse environnementale. Donc là, très rapidement, c'est pour montrer qu'on peut également superposer, par exemple ici, le plan d'une inondation de 1741, donc sur un relief qui lui est beaucoup plus propre, donc qui ressemble beaucoup plus à celui qui était à l'époque, donc le relief de 1810. Donc là, on va avoir une inondation parisienne dans le relief parisien de son époque. Voilà. Voilà. Donc maintenant on va passer à une petite réflexion donc sur ces SIG appliqués à l'étude historique. Comme je l'avais dit au début, donc dans les défauts et inconvénients, donc dans le cadre de ce travail, on peut voir que évidemment, la question de l'imprécision, en fait, a été. Là, j'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai qu'elle est constante dans ce type de travail parce que tout est imprécis tout au long des étapes qu'on poursuit, y compris l'archive est imprécise parce que c'est des plans de la fin du XVIIIe siècle, bien qu'on puisse prendre des plans de plus ou moins bonne qualité. Donc, ça, par exemple, le laboratoire, l'ADIS de l'EHESS, étudie justement la fiabilité de ces plans. Donc par exemple là le plan Wernicke est un plan très précis pour son époque, mais tout un tas de. Et après dans le travail qu'on réalise, il y a de l'imprécision aussi à chaque étape. Et donc c'est vrai que traiter cette imprécision est un aspect fondamental. Et donc il n'y a pas forcément de méthode générale dans ce sens. Donc des réflexions à développer, c'est certain. Par contre, là, on a bien vu au niveau des avantages, tout l'intérêt qu'on peut tirer de la superposition possible des apports de plusieurs matières, de plusieurs sciences. Donc depuis l'archive historique, on peut superposer également des données actuelles qui vont faire des comparatifs, par exemple pour le relief, l'altitude, pour l'hydrologie. On peut également faire des travaux de ce type, des travaux comparatifs entre la donnée historique et la donnée actuelle. Donc tout ça est beaucoup plus simple à superposer dans ce cadre de système d'information géographique. Voilà. Donc enfin la question du partage et du format, là aussi il y a sûrement beaucoup de réflexions à avoir, parce que tout ce travail, par exemple, je l'ai réalisé sous un logiciel, donc logiciel payant ArcGIS, donc j'ai pu avoir une licence. Voilà, mais par exemple, mon travail et mes données ne sont pas forcément facilement diffusables, parce que tous les gens qui voudraient les exploiter auraient besoin d'une licence qui est chère, donc ce n'est pas possible. Et donc après, il faudrait voir quel logiciel utiliser, les libres, les pas libres, etc. etc. Il y a tout un travail certainement à faire et des groupes de réflexion, par exemple pour les études historiques. Et voilà, donc en plus c'est un domaine qui évolue très vite, la SIG, donc ces logiciels-là, on ne peut pas forcément deviner lesquels seront en usage dans 20 ans. Donc voilà, il y a sûrement un suivi à réaliser à ce niveau-là. Voilà. Et donc, et également, ça c'est la littérature anglo-saxonne en parle plus, mais c'est vrai que la question de l'adaptabilité du SIG pour l'étude historique est également très importante, et au niveau notamment de son adaptabilité en fonction des époques, en fonction de tous les écueils possibles dont j'ai pu parler précédemment. Voilà. Et donc, je vais conclure en guise de conclusion. Je vais encore une fois citer Pierre-Simon Girard. Donc justement, dans cette dimension d'échange, en fait, finalement, entre une donnée assez brute et topographique et l'histoire. Donc, je cite Pierre-Simon Girard. Donc, ces détails topographiques semblent étrangers au domaine de l'histoire. Cependant, elles s'en occupent lorsqu'ils se rattachent à quelque événement mémorable. Elle constate par exemple qu'en 1510, sous le règne de Louis XII, dans une circonstance où l'on craignit que Paris ne fût assiégé, il fut observé que les voiries situées hors de son enceinte et à peu de distance des fossés s'élevaient à une si grande hauteur que les assiégeants pourraient s'y établir en avantage pour battre la ville, en ordonnant en conséquence qu'elle serait rasée et aplanie. Mais il paraît que malgré cet ordre, les voiries restèrent ce qu'elles étaient, puisqu'en 1525, après la bataille de Pavie, les mêmes craintes de voir Paris assiégé s'étant renouvelées, on fut obligé de prescrire une deuxième fois les mêmes mesures. Voilà, donc des mesures pour raser les buts, et finalement, c'est Eugène Haussmann qui l'a fait bien plus tard. Voilà. Je vous remercie. Merci Mathieu, c'est toujours aussi fascinant, en tout cas techniquement, cette vision technique de ces affaires-là. On a un peu parfois l'impression peut-être d'avoir un GPS pour naviguer dans le passé environnemental. Mais comme tu l'as conclu dans cette troisième partie, il y a toujours cette question quand même de la nature, du sens de ces données historiques, enfin dites historiques, et leur agrégation et le sens finalement de tout ça. Étant donné que nous avons beaucoup de flexibilité du fait de simplement deux interventions au lieu des trois prévues, on peut se permettre peut-être d'accueillir une question ou deux avant de passer à la seconde intervention. De toute façon, nous laisserons du temps à la fin de cette première session pour un créneau plus large de questionnement. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question tout de suite à Mathieu ? Moi, j'ai une question sur la diffusion des couches créées en SIG. Est-ce que ça intéresse des organismes publics, ou est-ce que vous les diffusez au sein d'un organisme public qui centralise les données cartographiques, comme on peut avoir en Provence-Alpes-Côte d'Azur, un organisme qui s'appelle le CRIJ, qui synthétise toutes les données SIG, aussi bien publiques que celles réalisées par les chercheurs, ensuite c'est mutualisé, ou est-ce que ça n'aura pas vraiment d'utilité Est-ce que ça peut être utilisé, ou vous voulez le diffuser sur une base de données? Ah oui, je pense que ça, tout ce travail qui est quand même forcément à chaque fois chronophage, il a vocation à être diffusé. Mais comme je le disais, il n'y a pas de. Non, je ne connais pas d'organisme central. En tout cas, pour les données historiques, non, pas trop. Par exemple, l'exemple le plus abouti donc à Paris, c'est le. Je reviens très rapidement, c'est le programme Alpach en fait. Donc c'est un programme ANR de 2006. Et justement, ils permettent de superposer et de diffuser par de la donnée libre. Donc des données diverses sur l'espace parisien. Donc on va avoir de la donnée médiévale, par exemple les enceintes très anciennes comme Philippe Auguste, mais également les inondations. inondations de la crue de 1910. Donc ils ont leur but est un peu là-dedans, mais c'est vrai que pour l'instant il y a sûrement une centralisation à rendre possible. Enfin, j'en suis là aussi. Oui, ce n'est pas une question à proprement parler, mais est-ce que cette centralisation et cette diffusion des données n'est pas une des tâches qui a été confiée à Adonis, le grand équipement du CNRS, et est-ce que vous êtes en contact avec eux? Je connais l'existence de Adonis, mais c'est vrai que bon voilà, c'est en construction. C'est vrai que c'est. Je ne connais pas exactement en fait, mais je sais que c'est également, c'est le CNRS qui a donné à peu près cette mission-là. Mais c'est en pleine construction, c'est vrai que dans l'état actuel, ce serait sans doute intéressant de. Stéphane, oui, c'est sur les utilisations possibles de ce qui est vraiment un travail de fourmi, comme toutes les bases de données ou les cartographies, surtout pour une ville comme Paris. On a vu un exemple de carte donc, remettant en relief une inondation au XVIIIe siècle. Donc je me demandais s'il y avait d'autres utilisations qui étaient déjà faites, que vous ne nous avez pas montrées faute de temps, ou qui sont prévues de ce travail. Dans le cadre justement de ma thèse, je m'intéresse également à la partie hydraulique et hydrogéologique de Paris. Donc là, a priori, il y a un travail en fait du même type que celui que j'ai pu réaliser pour le relief, qui a été réalisé pour les nappes, pour la nappe phréatique parisienne en fait, qui vise à comparer le premier relevé de la nappe donc de 1860 aux données actuelles qu'on a sur la nappe. Voilà. Donc c'est un travail que j'ai pas pu encore y avoir accès. Je sais qu'il a été réalisé, donc ça se rapproche à peu près de pour la donnée en disant hydraulique, dans le principe ça se rapproche de ce que j'ai montré pour le relief. D'accord, mais avec le fond de carte issue de l'atlas de Girard, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc par rapport aux inondations par exemple? Par rapport à, je sais pas, un autre une problématique d'histoire environnementale. C'est ce que je voulais essayer de montrer, c'est-à-dire que finalement les possibilités sont un peu infinies. C'est-à-dire que j'ai réalisé un travail, donc je vais l'orienter en fonction de ma thèse par exemple, mais n'importe qui pourrait être intéressé, s'il est intéressé par l'espace par exemple début du 19e siècle, par la donnée du relief de Paris de cette époque-là. Et donc oui, effectivement, tout un tas de possibilités sont ouvertes. Par exemple les adresses, donc je vais parler très rapidement, mais on peut s'intéresser, si on s'intéresse à la spatialisation, je sais pas, d'un corps de métier pour l'époque. On peut pouvoir le replacer dans son contexte parisien de l'époque. C'est quelques idées que j'ai en tête. La circulation. Monsieur, est-ce que dans votre carte de 1810, on voit les vallées aux chenaux de la Seine, des zones humides potentielles, etc. Est-ce que votre topographie est assez fine hein? Oui, c'est un mètre près. On les voit dans une certaine mesure, mais de même on les voit dans le relief actuel aussi. Enfin, le relief actuel. C'est vrai. Après, il faudrait justement rentrer dans une perspective de comparaison entre l'actuel et l'ancien. Enfin, disons que tout ce que je sais, c'est qu'on le voit, mais je ne sais pas si on le voit mieux que le relief actuel. Je vais juste remettre l'inondation, mais par exemple, on voit dans l'inondation 1741 que le bras nord de la Seine, tout simplement, qui est, je crois que c'est ça dans le bras qui fait le tour du marais là, par la Bastille, on le voit pas, il n'est pas en bleu là sur votre. Il est en bleu parce qu'il n'a pas été parfaitement inondé, mais on le voit sur les lignes de niveau, oui, c'est une zone très basse à Paris. Et oui, on le voit. Et après, je ne sais pas si je ne peux pas vous dire en fait si on le voit mieux que sur le relief actuel. C'est toujours une zone basse, mais ce qui a été plus basse, c'est le temps. Tout dépend de la définition de la topographie de la ville. Qu'est-ce qui prend comme définition? Quand on fait un trou, on trouve le sol naturel, entre guillemets, et il prend ça comme code. Ah non, justement, c'est. C'est quoi sa définition? Ah ben là, dans son travail, justement, c'est une définition extrêmement simple et du coup intéressante, c'est-à-dire que le sol, c'est le niveau de la rue. Voilà. Ah, c'est le niveau de la rue. C'est ça. Et on relie les niveaux de rue entre eux, et ça nous donne des lignes de niveau de la surface urbaine, finalement. Donc, voilà. Il y a l'épaisseur de la rue à prendre en compte. L'épaisseur de la rue. Ah ben oui, et c'est bien pour ça qu'on voit toutes ces buttes, en fait, dont j'ai parlé, ce qui ne sont pas des sols naturels. Oui, là, c'est encore autre chose, mais c'est le point de la rue. Dans votre topo, c'est vraiment la topo de l'interface rue-air. Oui. Mais pour un pédologue, l'interface sol, la surface du sol, elle est à 50 cm, voire même un mètre plus bas. Ah, ça c'est certain. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est Ah oui, mais là, c'est, bon, je vous confirme, c'est le sol des rues. Donc là, c'est vraiment dans une perspective de percevoir le relief de Paris. Mais quand vous avez des jardins, il y a des jardins à l'époque, en 1910, à l'intérieur. Ouais. Vous avez la côte naturelle. La côte naturelle du sol naturel. Ouais. Cette côte naturelle, elle correspond à l'altitude de la pleine d'inondation sur laquelle s'est bâti Paris. Quasiment, c'était à plat là, il y avait une pente très très faible. Donc vous pouvez prendre ces points de sol naturel dans les espaces ouverts et reconstituer la côte du sol naturel du début de Paris, parce que ça n'a pas bougé. Ouais. Visiblement, vous aurez une grande discussion autour de ces points très précis.